une règle d'airain dans l'espace. Tant que ça marche, on garde. Vous ne serez donc pas étonné d'apprendre que la combinaison spatiale qui sert aujourd'hui aux astronautes est peu ou prou la même qu'il y a 40 ans. Ces combinaisons, le modèle américain et le modèle russe, sont aujourd'hui optimisées pour les EVA, les sorties extravéhiculaires sur l'ISS. Mais que se passe-t-il pour un éventuel retour sur la Lune, voire pour un voyage vers Mars, suivi d'un séjour sur la planète rouge? Et l'Europe a-t-elle son mot à dire dans ce futur nouveau modèle de combinaison? Bref, comment penser la combinaison spatiale de demain? Espace, la combinaison gagnante, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour raconter cette histoire de la combinaison spatiale, de ses contraintes physiques, technologiques et humaines, eh bien nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Peter Weiss. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du département espace à la COMEX, hein, c'est une société française qui s'intéresse à toute forme d'équipement en milieux extrêmes. Nous devrions retrouver d'ici quelques minutes, ah bien, on me fait signe qu'il est là, depuis les studios de nos camarades de France Bleu à Toulouse, Bernard Comet. Bonjour. Ok. Bonjour, vous m'entendez ? Ah, il est là, mais il ne m'entend pas encore tout à fait. Bref, Bernard Comet, je pense qu'il va m'entendre dans quelques instants. Il est médecin consultant au MEDES, hein, l'Institut de médecine et de physiologie spatiale, et président du Medical Board de l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Et nous serons par ailleurs également en ligne tout à l'heure avec Cologne, avec la ville de Cologne, et Hervé Stévenin, qui est responsable de l'entraînement aux activités extravéhiculaires au Centre des astronautes européens de Cologne. Donc, ce sera dans quelques minutes. Vous pouvez nous suivre, eh bien comme chaque jour, hein, sur les ondes, et sur notre fil Twitter en complément d'informations, hein, où on poste tout au long de l'heure en direct eh bien, des liens vers des études, vers des schémas. Vous allez pouvoir voir un certain nombre de ces combinaisons spatiales que nous évoquons, des vidéos. Bref, c'est en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors je me retourne vers vous, Peter Weiss, puisque vous êtes le seul présent pour le moment. Bernard Comet est là, on me redit que Bernard Comet est là. Êtes-vous là, Bernard Comet ? Oui, oui, je vous entends parfaitement. Bonjour, bienvenue à vous. Merci Bonjour. Beaucoup d'être avec nous donc en duplex depuis Toulouse. Alors du coup, je m'adresse à vous deux, messieurs. Je le disais à l'instant, hein, dans l'introduction de cette émission, la devise qui dit que dans l'espace, tant que ça marche, on garde, que l'espace est un milieu très naturellement conservateur. C'est la raison pour laquelle essentiellement la combinaison spatiale d'aujourd'hui a aussi peu évolué. Alors elle a évolué, bien sûr, on va le voir au long de cette heure, mais que c'est grosso modo la même que celle d'il y a 40 ans, Peter Weiss ? Oui, je pense aussi parce que les missions, ils ont, je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas évolué, mais on a toujours principalement des missions en orbite. Si on parle maintenant d'un retour sur la Lune ou aller plus loin, vers Mars par exemple, là il faut retravailler sur les combinaisons. Bernard Comet, sur ce conservatisme naturel de l'espace et des missions spatiales. Quand un industriel s'est lancé là pour mettre au point des combinaisons, il n'en a pas vendu des milliers. Hein. Donc, quand il a réussi à satisfaire tous les critères que lui avaient spécifiés les agences spatiales, je pense qu'il a dû en vendre une petite centaine. Et on comprend que ils n'ont fait que des améliorations très ponctuelles, mais les principes de base sont restés les mêmes, d'ailleurs, que ce soit en Russie ou aux États-Unis. Alors, quels sont-ils ces principes de base qui, je le disais tout à l'heure, on discutait avant le début de l'émission avec Peter Weiss, quand on revoit les premières vidéos, notamment, on y reviendra, à la première sortie extravéhiculaire d'Alexei Leonov, on a l'impression qu'ils sont quasiment en pyjama, et pourtant depuis les tout premiers vols spatiaux, depuis les tout premiers vols suborbitaux, on demande à peu près la même chose, Peter Weiss, aux combinaisons spatiales. Oui, c'est principalement la protection de l'astronaute à l'intérieur et en même temps garantir une mobilité. Donc je crois qu'il y avait des premiers concepts où c'était plutôt des systèmes très rigides comme des tonneaux, mais assez rapidement on s'est tourné vers des combinaisons souples. Bernard Comet, il y a des fonctions universelles, donc il y a évidemment le fait de respirer dans l'espace, ça indiscutablement, mais qu'est-ce qu'on attend principalement? Quelles sont les premières fonctions, même historiques, que l'on demande à ces toutes premières combinaisons spatiales dans les années 50, en pleine guerre des étoiles? Tout d'abord, que l'astronaute survive, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il puisse respirer, Il y a quelque chose, ça c'est pas trop compliqué, hein, puisque ce sont des combinaisons qui fonctionnent en oxygène pur. La combinaison russe est à 0,4 atmosphères, la combinaison américaine est quasiment à 0,3 atmosphères, donc un peu moins gonflée. Mais le truc le plus compliqué à faire, ça a été de faire la régulation thermique. Vous savez que le corps humain est une machine thermique, hein, et en particulier lorsqu'ils sont sortis extravéhiculaires, ils sont amenés à faire de grands efforts. Donc ils rejettent beaucoup de calories à l'intérieur de la combinaison, qui est parfaitement isolée, tant sur le plan pneumatique que sur le plan thermique. Et donc, il faut extraire des calories et les porter à l'extérieur. Et c'est ce qui a été le plus difficile à mettre au point. Et à l'heure actuelle, on sait le faire sur une plage extrêmement large d'efforts physiques que peut faire l'astronaute dans la combinaison. En particulier, on peut aller d'une puissance, on parle en puissance, hein, comme en électricité, de 200 watts jusqu'à 3000 watts environ. Donc, vous voyez une plage Ah oui, extrêmement assez large vaste. qui correspond justement aux besoins de l'astronaute qui a besoin de réguler sa température et de garder une température constante, quel que soit le niveau d'exercice qu'il fait. Quel que soit le niveau d'exercice et puis quel que soit le niveau de température ressenti, parce que quand on est dans l'espace, en fonction qu'on soit à l'ombre du soleil ou au soleil, les températures peuvent aussi varier de façon importante, Peter Weiss. Oui, ça varie de alentour de moins 150 degrés jusqu'à plus 150 degrés, donc selon la partie qui est exposée au soleil ou non. Donc c'est des et ça sur le même corps, hein, c'est la partie exposée. Ces toutes premières combinaisons spatiales, on le disait à l'instant, il y a évidemment celle peut-être qui est la plus célèbre, qui est la combinaison orange de Gagarine, la SK-1. Quelles sont justement comment est-ce que avec la technologie de l'époque, on arrive à répondre à ces contraintes, à l'ensemble des contraintes que vient d'évoquer Bernard Comet? Comment est-ce que petit à petit on commence à spécialiser, à avancer dans la technologie autour de la combinaison spatiale? En fait, ces combinaisons-là, c'est des dérivés des combinaisons existantes déjà sur Terre, hein, pour les pilotes haute altitude, des choses comme ça. Donc, comme Bernard disait, en fait, ça a plusieurs fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'est de garder une pression à l'intérieur, parce que vous êtes dans le vide, donc ça il faut prendre en compte. Et ensuite, il y a plusieurs couches de protection thermique, protection contre les micrométéorites. Parce qu'en fait, pour éviter que ça se déchire évidemment dans oui, voilà, l'espace. voilà. Et tout ça combiné dans un seul scaphandre. Donc ça aussi, ça répond à la question tout au début. Les fonctionnalités, ils sont restées un peu pareilles, hein. On a beaucoup travaillé sur la mobilité des mains, par exemple, essayer d'améliorer les gants, parce que c'est quand même l'outil principal de l'homme. C'est les mains, évidemment. Les mains. Surtout pour des sorties extravéhiculaires, où on demande de faire des réparations ou de pouvoir effectuer du travail dans l'espace et dans le vide. Peut-être un mot aussi, Bernard Comet, pour expliquer pourquoi ces combinaisons, elles sont pressurisées à 0,3, 0,4. Pourquoi elles ne sont pas pressurisées à 1 atmosphère, qui est la pression terrestre? Comme vous pouvez l'imaginer, à l'extérieur, il y a le vide, hein, c'est-à-dire une pression zéro, hein. Donc, si vous avez un effet de gonflage qui rend votre scaphandre extrêmement rigide, et par exemple, les gants à manipuler avec une différence entre une atmosphère à l'intérieur du gant et zéro atmosphère à l'extérieur du gant sont quasiment impossibles et demandent un effort au niveau des avant-bras extrêmement élevé. Et comme l'a dit Peter, là, il y a eu une grande amélioration qui a été faite et beaucoup d'études ont été faites sur le moulage des gants. Et en particulier, on a moulé des gants avec des moulages qui représentaient le point fermé. Comme ça, la pression nominale, le gant n'était pas complètement étendu et était à moitié fermé. Donc, c'était autant de gagner au point de vue des efforts à faire pour tenir une barre, une rampe, par exemple. Et ceci a permis à améliorer l'ergonomie et à éviter cet effet de gonflage, hein. Donc c'est pour ça qu'on les met à la pression la plus basse possible. Alors après, comment a-t-on choisi cette pression? Ben, on a fait le meilleur compromis entre La durée de préparation avant de sortir, il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Et on y reviendra peut-être. Mmh, on expliquera qu'il y a des contraintes quand même importantes. Notamment au niveau de l'azote dans le sang. Les plongeurs le savent bien. Quand on augmente ou qu'on diminue la pression, le taux d'azote dans le sang peut devenir dangereux. Donc il y a des phases de décompression nécessaires. Et c'est pour ça que être dans un costume à 0,3 ou 0,4 atmosphère, ça demande effectivement un certain temps de préparation. Mais on en reparlera tout à l'heure avec Hervé Stévenin qui sera avec nous en ligne depuis Cologne. Voilà. Et donc, on a cherché le meilleur compromis entre la pression du véhicule mère, c'est-à-dire la navette ou la station internationale ou le Soyouz, la pression du scaphandre. Et les Russes sont tombés sur une pression de 0,4 atmosphère et les Américains ont réussi à avoir une pression un peu plus faible de 0,3 qui rend leur scaphandre un peu plus facile à manipuler que le scaphandre russe. Peter Weiss fait des mouvements de manipulation derrière le micro. J'aimerais votre réaction tout de même, Bernard Comet, à ces premières vidéos. Alors, il y a la fameuse légende de Gagarine qui revient et qui n'arrive pas à enlever son scaphandre. Il lui faut des minutes et des minutes avant de réussir à respirer à nouveau de l'air terrestre. Mais il y a cette vidéo, on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission, de mars 65, de la première EVA par Alexei Leonov, où on a vraiment le sentiment extrême du danger et de l'intrépidité de cet astronaute qui se retrouve dehors avec dans des moyens qui paraissent aujourd'hui encore très très rudimentaires. Oui, pour la sortie de Leonov, en fait, il y avait un SAS, donc un airlock en anglais, un airlock déployable, c'est-à-dire gonflable. Et ils avaient mal à anticiper le volume qu'allait prendre le scaphandre qui était pressurisé, mais par un tuyau. Il y avait un tuyau qui amenait de l'air comprimé et un tuyau qui ramenait de l'air comprimé. Et en fait, le scaphandre, il est sorti une quinzaine de minutes, un peu moins, je crois. 12 minutes. 12 minutes, et je crois que le scaphandre est devenu tellement volumineux qu'il ne rentrait plus dans le airlock déployable et il est resté coincé. Alors il raconte, et moi j'ai eu l'occasion de l'entendre le raconter, qu'il a fait un effort incommensurable pour atteindre une vanne de pression qu'il avait au niveau du thorax, et il a ouvert cette vanne qui a permis de dégonfler un peu le scaphandre, donc le libérer de la contrainte qu'il avait contre la paroi du SAS, et là il a pu re-rentrer. Mais je crois que c'est pour lui et pour son coéquipier qui était à l'intérieur du Voskhod, puisque c'était à l'époque le Voskhod. C'était le nom du vaisseau, oui. Ça a été un moment de stress maximum. Ça, encore une fois, on le perçoit. On vient de vous mettre la vidéo sur le fil Twitter de l'émission. On perçoit que le danger est bien présent et cette première EVA est assez impressionnante. On va avancer un peu dans le temps parce que peut-être que la combinaison spatiale la plus célèbre aujourd'hui, pour les raisons qu'on imagine, c'est l'A7L entre 1968 et 1975, les combinaisons spatiales d'Apollo. Mais pour le coup, ces combinaisons étaient assez différentes parce que leur usage était différent, Peter Weiss. Oui, c'était pour aller sur la Lune, donc c'était des combinaisons planétaires pour la surface. Quoi. Et alors, quelles étaient les différences principales avec les combinaisons de type de première génération, c'est-à-dire les combinaisons type Mercury ou type SK1? Plusieurs, déjà au niveau de la mobilité des jambes, parce que en orbite, on n'utilise pas trop les jambes, c'est tout autre chose sur une surface. Après, il y a aussi pas mal de problèmes au niveau de la poussière, ce genre de choses il faut prendre en compte, qui pouvaient donc abîmer la combinaison. Et aussi, je crois, en termes de durée de mission, d'autonomie, ils étaient augmentés. Les premières missions Apollo, je crois, c'était à l'entour de 4 heures. Et pour les dernières, ensuite, à 8 heures. 8 heures, oui, c'est ça. Bernard Comet, sur les différences et sur ces combinaisons qui ont rempli leur rôle et plus que rempli leur rôle, qui sont devenues peut-être les combinaisons spatiales les plus célèbres de l'histoire de l'humanité. Ben oui, en particulier donc au niveau des chaussures. Les chaussures étaient quand même extrêmement étudiées et ils voulaient surtout pas qu'il y ait des risques de percement et de fuite au niveau des chaussures. Il ne savait pas trop quelle allait être l'agressivité du sol lunaire. Et je sais que là, pour les missions martiennes en particulier, on sait que le sol sera encore plus coupant, abrasif. Abrasif. Et à l'heure actuelle, ils sont en train d'étudier un advanced suit, là, un scaphandre de nouvelle génération, et ils regardent de très près ce problème. Et ils ont un autre problème, c'est qu'ils souhaiteraient ne pas ramener de poussière de l'extérieur à l'intérieur de l'airlock. Et donc il y a des designs en ce moment-là qui sont très étudiés, où ce sont des véhicules dont le scaphandre reste à l'extérieur et il y a juste une porte qui s'ouvre à l'intérieur pour minimiser le risque d'avoir des poussières qui rentrent dans le volume habitable du rover ou de la station au sol. Qui sera au sol, oui. Peut-être un mot aussi, on va revenir hein, sur ce qu'impliquerait une combinaison martienne ou en tout cas une combinaison pour retourner une nouvelle combinaison planétaire qu'il s'agisse d'aller sur la Lune et sur Mars, et on verra que les conditions ne sont pas les mêmes et que les contraintes ne sont pas les mêmes. Peut-être un mot pour dire que ces fameuses combinaisons A7L sont les premières à intégrer un life support system, ce sont les premières qui sont autonomes où il n'y a plus de cordon ombilical, Peter Weiss. Oui, en fait c'est un système qui est porté sur le dos. Parce que jusqu'à présent, toutes les combinaisons étaient reliées à la navette, ou en tout cas au module spatial par un cordon ombilical. De toute façon, vous êtes toujours relié à la navette, parce que ça c'est je crois la première règle de sécurité pour des EVA sur l'ISS, et avant c'était pas se détacher de la navette. Mais effectivement, pour Apollo, il fallait développer quelque chose qui est autonome, qui permet de marcher sur la surface et se déplacer assez loin quand même du véhicule. Pour faire des petits pas pour l'homme et des grands pas pour l'humanité. Yes. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h18, nous parlons donc tout au long de cette heure de combinaisons spatiales, de leur passé, de leur présent et de leur futur. Nous en parlons avec Peter Weiss qui est ici avec nous en studio, avec Bernard Comet qui est en duplex avec nous depuis Toulouse. Et nous sommes en ligne avec Hervé Stévenin. Bonjour. Bonjour à vous tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous au téléphone depuis Cologne, puisque vous êtes responsable de l'entraînement aux activités extravéhiculaires au Centre des astronautes européens. Vous êtes donc instructeur sur ces combinaisons. Vous avez vu, vous l'avez entendu dans la première partie de cette émission, ce conservatisme. Quelles sont pour vous concrètement les améliorations qui ont été apportées à la combinaison spatiale américaine aujourd'hui avec laquelle travaillent les astronautes français, l'EMU, qui rend votre tâche un peu plus simple qu'elle n'aurait pu l'être il y a au début des années 80 quand elle a été utilisée pour les premières fois? La qualité essentielle de ces combinaisons, c'est la fiabilité. Il y a eu très peu d'incidents, il y a eu quelques anomalies, mais rien de grave. Et c'est un équipement sur lequel, aussi bien côté russe avec l'Orlan ou côté américain avec le MU, c'est un équipement sur lequel on peut compter pour faire des sorties extravéhiculaires complexes pour des durées de jusqu'à 6h30. Il y a des différences majeures aujourd'hui pour vous en tant qu'instructeur, puisque vous avez travaillé vous aussi sur Terre avec ces deux combinaisons, Orlan et EMU, entre l'une et entre l'autre, ou est-ce qu'aujourd'hui tous les astronautes et les cosmonautes sont formés sur ces deux combinaisons et elles sont à peu près équivalentes dans leur usage? Les deux combinaisons sont différentes, j'ai été entraîné dans les deux, et elles sont destinées à des usages aussi différents. La combinaison Orlan permet de faire des sorties extravéhiculaires sur le segment russe de la station spatiale. Mais elle n'est pas on ne peut pas utiliser le Orlan à cause du protocole de la sortie extravéhiculaire, de fixation sur la structure. On ne peut pas utiliser le Orlan sur la partie américaine. Et de la même manière, le EMU a été développé, toutes les interfaces de la partie américaine ont été développées pour être compatibles avec le EMU. Mais c'est relativement délicat de faire des sorties extravéhiculaires sur la partie russe avec le scaphandre américain. Donc leurs objectifs et leurs usages sont complètement différents. Ils sont complémentaires pour travailler sur des deux côtés de la station. D'accord. Par contre, comme l'a mentionné Bernard tout à l'heure, la grosse différence, c'est la pression. Effectivement, lorsqu'on est dans le scaphandre russe, on se rend compte que la pression crée une résistance supplémentaire. Donc une fatigue un peu plus élevée que lorsqu'on travaille dans ce calendrier américain. Par contre, l'avantage, c'est dans la phase préparatoire avant l'ouverture du SAS, où il est beaucoup plus facile de se débarrasser de l'azote qui circule dans le sang, dans le corps, avec le Orlan, puisque on doit descendre une pression moindre que celle des Américains. Et donc, en une demi-heure, en respirant de l'oxygène pur à l'intérieur du scaphandre, on est complètement débarrassé des bulles d'azote. Des bulles d'azote. Mmh. Alors qu'il faut beaucoup plus de temps côté américain à cause de cette pression plus basse. Mmh. Donc chacune a ses avantages et ses inconvénients. Ça veut dire que dans la station spatiale internationale, il y a en permanence deux sets de combinaisons d'Orlan et d'IMU en fonction des travaux qu'il y a à faire. Oui, c'est exact. Mmh. Et les astronautes sont entraînés sur ces deux filières, deux programmes d'entraînement différents. En général, les astronautes qui volent dans le cadre de ce qu'on appelle le segment américain, ce qui est la plupart du temps le cas pour nos astronautes européens, sont entraînés dans l'EMU, le scaphandre américain, et font des sorties circulaires en scaphandre américain. Alors parlez-nous un peu... On peut les faire entraîner avec les Russes, mais ça... C'est une filière de formation différente. D'accord. Hervé Stévenin, parlez-nous un peu justement de ces entraînements. Comment se déroulent-ils sur Terre? Comment ils s'organisent? On entend dire, hein, quand on s'intéresse un peu à la question, que les entraînements que vous faites subir aux astronautes et aux cosmonautes sont plus rudes encore sur Terre que ce qu'ils vivent finalement quand ils sont en EVA dans l'espace. C'est vrai. La sortie extravéhiculaire est l'activité la plus complexe et la plus difficile qu'un astronaute puisse faire dans l'espace. C'est extrêmement fatigant. C'est extrêmement, ça demande beaucoup de concentration et d'effort aussi d'un point de vue mental. Faut considérer que les astronautes sont enfermés dans un scaphandre qui est relativement confiné. Hein, faut pas être claustrophobe. Ils sont coincés là-dedans pendant plusieurs heures. Si jamais vous avez l'œil qui gratte ou le bout du nez qui gratte, il y a aucun moyen de toucher le nez. Donc on est vraiment confiné et il faut dans un premier temps s'adapter à cet environnement et le prendre de manière très positive comme un cocon protecteur qu'on apprend à apprivoiser et à travailler avec. On peut rappeler en un mot que les EVA durent en général au moins 4, 5, voire 6 heures, voire plus encore. Ce sont des sorties extrêmement longues, donc extrêmement éprouvantes, évidemment, pour le corps. Je crois que vous disiez, ce sont vos mots, Hervé Stévenin, que c'est courir du 100 mètres, mais sur un marathon. Oui, c'est exact. C'est 6 heures de travail à l'extérieur. Faut prendre en compte que chaque mouvement demande un effort considérable. Il faut donner extrêmement de puissance pour pouvoir effectuer un mouvement. Il faut être endurant, il faut répéter ça plusieurs fois le long des sorties extravéhiculaires. Pour vous donner un exemple, simplement le fait de fermer la main pour tenir une main courante à l'extérieur de la station, c'est comme presser une balle de tennis. Il y a cette image qu'on aime bien qui est de dire que c'est faire de sortie extravéhiculaire, c'est faire de l'escalade en via ferrata en étant équipé d'une armure. Oui, d'accord. Comment se déroule précisément? Alors il y a des entraînements. Je crois que au centre des astronautes européens, vous avez des maquettes hein, de certains modules de l'ISS pour les entraînements. Mais il y a des entraînements en piscine aussi. Expliquez-nous un peu comment précisément vous préparez les astronautes, parce que on imagine pour les gens qui font de la plongée de la même façon, on apprend toujours les mesures de sécurité les plus extrêmes pour pouvoir parer à toute éventualité dans des milieux qui sont aussi hostiles que l'espace, qui est encore plus hostile que les profondeurs maritimes. C'est exact. Donc l'entraînement se fait essentiellement sous l'eau, en bassin d'immersion. Il se fait en scaphandre pour les sorties extravéhiculaires américaines au bassin d'entraînement de Houston de la NASA, parce que l'Agence spatiale européenne n'a pas encore développé de scaphandre. Donc nos astronautes sortent dans l'espace avec le scaphandre américain. Et cet entraînement se fait sous l'eau parce que c'est une sensation que tous les plongeurs connaissent bien. Lorsqu'on est en flottaison bien équilibrée dans l'eau, on a cette sensation d'être un petit peu comme en apesanteur. C'est le meilleur moyen de simuler une apesanteur sur une longue durée que l'on puisse trouver sur Terre. Et c'est la raison pour laquelle on immerge des modules qui sont des maquettes grandeur nature de la station spatiale et les astronautes effectuent des tâches typique de sortie extravéhiculaire pendant leur entraînement, transporter des équipements à l'extérieur du sas de sortie, les installer sur des zones de travail, faire du câblage électrique, du câblage avec des fluides, des tuyaux de fluides, visser des boulons, transporter des équipements, Et ça, c'est quelque chose qui est préparé de notre côté, à l'Agence spatiale européenne, dans le bassin d'immersion de la NBF, au Centre européen des astronautes, à l'aide du programme de préfamiliarisation et de maintenance des compétences en EVA. Et c'est un programme qui a été développé par l'Agence spatiale européenne et qui est unique. Nous sommes les seuls à avoir développé un programme qui fait un petit peu le pont au-dessus de ce fossé géant qui existe entre l'expérience qu'on peut avoir en plongée sous-marine et les entraînements en scaphandre. Oui, ce qui fait que d'ailleurs nos astronautes français sont européens en tout cas, arrivent quand ils arrivent à Houston avec une longueur d'avance sur leurs collègues américains, et ce qui fait qu'ils sont souvent qualifiés pour les EVA. J'ai lu ça, c'est vrai, Hervé Stévenin ? Oui, c'est exact. Ici, on les entraîne dans une configuration qui leur donne le même niveau de frustration que celui qu'ils peuvent avoir dans le scaphandre. Donc, ils ont des gants qui leur limitent la dextérité. Ils ont un masque facial qui limite le champ de vision comme il peut être limité dans le scaphandre. Ils utilisent les mêmes outils et les mêmes équipements que ceux qu'ils vont utiliser pendant leur entraînement à Houston. On a été aidé énormément par la NASA pour développer ce programme. Et l'avantage, c'est que lorsque nos astronautes se rendent directement à Houston pour l'entraînement scaphandre, eh bien, ils maîtrisent tout ce qu'on leur a appris, c'est-à-dire les règles d'engagement de la sortie extraviculaire. Les choses à faire, à ne pas faire, pour être efficaces et pour travailler en toute sécurité. Ils n'ont plus qu'à se concentrer sur le fait que le scaphandre on est engoncé à l'intérieur. C'est un peu plus difficile de se mouvoir que lorsqu'ils étaient à l'entraînement chez nous. Mais ils ont maîtrisé toutes les tâches à faire. Et ça leur facilite énormément le travail. Et ils ont dès le départ une longueur d'avance sur les Américains qui, eux, malheureusement, démarrent directement dans le scaphandre et ont à découvrir cet nouvel univers d'un seul coup. Et ses contraintes. Un mot encore, Hervé Stévenin, sur ces procédures d'urgence, ces procédures de sécurité. Là aussi, c'est comme en plongée, on prépare, vous préparez les astronautes européens à parer n'importe quel type de situation d'urgence, comme celle qu'a pu vivre Luca Parmitano en 2013 quand il a commencé à avoir de l'eau à l'intérieur de son scaphandre en EVA. On ne va pas jusque-là. On les entraîne petit à petit d'abord à travailler, à maîtriser leur environnement et à être autonomes et à travailler efficacement tout seul. Ensuite, on ajoute le partenaire essentiel, parce qu'une sortie extraculaire se fait toujours avec deux personnes pour des raisons de sécurité, ce qui permet aussi de prendre en compte le travail en équipe, le partage des tâches, la communication, la prise de conscience de l'environnement du partenaire. Et on augmente la complexité des tâches jusqu'à des tâches de sauvetage, ce qu'on appelle la tâche classique, qui est de sauver le partenaire qui se retrouverait handicapé à un point, qui ne pourrait plus bouger et ne pourrait plus se rendre lui-même dans le sas de sortie, de rentrée. Alors à ce moment-là, l'astronaute a 20 minutes pour récupérer son partenaire et le transporter comme un sac de sable en orbite vers la station spatiale. Vers l'airlock, vers le sas de décompression. Un mot, et puis on va vous libérer, Hervé Stévenin. Vous plaidez, vous aussi, pour aujourd'hui que l'ESA lance sa propre combinaison, que pour les futurs programmes spatiaux à venir, qu'il s'agisse de retourner sur la Lune ou pourquoi pas, à plus longue échéance, d'aller voyager vers Mars, vous pensez qu'il serait bon que l'Agence spatiale européenne ait, comme l'Agence spatiale russe et l'Agence spatiale américaine, sa propre combinaison ? J'en suis absolument convaincu. Il faut qu'on se lance dans ce domaine et qu'on a toutes les capacités techniques et technologiques pour développer, participer au développement d'un nouveau scaphandre. Il faut voir, vous l'avez mentionné précédemment, que les scaphandres actuels ne peuvent pas être utilisés pour retourner sur la Lune ou travailler sur Mars. Donc il faut concevoir des scaphandres qui sont plus résistants, qui sont plus flexibles, qui intègrent de nouvelles technologies. Et on a pu acquérir, grâce à tous nos astronautes qui ont fait une sortie extraculaire et les capacités d'entraînement qu'on a ici à Cologne, on a pu acquérir des connaissances sur les scaphandres et en sortie extraculaire. Donc l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a tous les moyens à sa disposition pour pouvoir démarrer l'étude d'un nouveau scaphandre de manière autonome dans un premier temps et aussi en partenariat avec les agences internationales. Bernard Comet, vous partagez ce point de vue, vous qui êtes président du Medical Board de l'Agence spatiale européenne. Vous pensez qu'il y a une place pour une combinaison spatiale européenne concurrente ou complémentaire aujourd'hui des combinaisons spatiales russes et américaines ? À l'heure actuelle, si vous voulez, on a un groupe de travail qui rassemble, je crois, 13 agences européennes, mondiales, l'Agence spatiale mondiale, qui s'appelle l'ISEG. Et c'est dans le cadre du travail de ce groupe qu'on se partage un peu les tâches de ce que on propose de faire. Alors, je suis d'accord avec Hervé, hein, on peut, en France, en Europe, on trouverait parfaitement les capacités d'acquérir et de fabriquer un scaphandre EVA, hein, qui soit adapté pour des missions sur des surfaces planétaires telles que la Lune ou Mars. Par contre, je doute qu'on se lance de zéro dans ce genre de développement parce que c'est des sommes phénoménales. Mmh. Ça coûte combien, par exemple, justement, un scaphandre EMU on a le tarif global de la conception d'un scaphandre EMU? Je pense que Hervé doit le connaître. Moi, j'ai des chiffres très anciens, puisque du temps du projet Hermès, on avait essayé d'acquérir soit l'EMU, soit le Orlan. Hermès, qui était censé être le vaisseau habitable de l'ESA. Au début des années 90. J'ai ces chiffres en tête, mais je pense que à l'heure actuelle, ils ont plus aucune valeur. Qu'est-ce que t'en penses, Hervé? Hervé Stévenin, est-ce que vous avez un ordre de grandeur, tout au moins? Oui, l'ordre de grandeur pour un développement complet, c'est environ 100 millions. 100 millions pour le développement d'un nouveau scaphandre ou 100 millions juste pour la conception, la fabrication d'un groupe de scaphandres. Pour un groupe de scaphandres, donc c'est pas 100 millions pour l'unité, c'est 100 millions pour développement. Non, ce qui coûte cher, c'est le développement. Mmh. Après reproduire l'équipement pour en avoir une trentaine, une quarantaine de disponibles, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Peter Weiss, sur cette ordre de grandeur, vous êtes d'accord? Oui, je pense que ça peut être dans ce ordre de grandeur, hein, effectivement. Après, peut-être aussi réfléchir si on fait ça au niveau industriel, peut-être il y a des... On peut réduire ce genre de coûts. Mais en tout cas, je pense que c'est important que l'Europe dispose aussi de son équipement, son scaphandre, et joue aussi un rôle dans toute cette aventure qui est devant nous, là, avec un retour sur la Lune. Tout le monde est d'accord pour qu'il y ait un scaphandre européen. Aujourd'hui, tout de même, on voit aussi hein, dans l'EMU et puis dans les futurs aussi projets qu'a présenté notamment la NASA, on arrive aujourd'hui, on est passé de combinaisons qui étaient des combinaisons individuelles, qui étaient faites sur mesure pour les astronautes ou les cosmonautes, à aujourd'hui des combinaisons modulables, voire aujourd'hui on va même supprimer les tailles. Peter Weiss, on n'aura plus de taille XS à XL, on aura une combinaison qui est entièrement modulable en fonction de la taille des astronautes, de leur sexe, etc. Oui, effectivement. Et tout à l'heure, on a parlé de la possibilité d'imprimer certaines parties en 3D, par exemple. Donc, prendre en compte ces nouvelles technologies de fabrication, ça c'est très intéressant, déjà pour réduire les coûts, tout simplement. Et également, si on parle de maintenance des missions en surface, on peut s'imaginer qu'on peut réparer certaines parties imprimées directement sur place. Une dernière question, Hervé Stévenin, et je vous libère. Quel est, selon vous, pour cette future combinaison, pour un retour sur une surface planétaire, quel est le plus que pourrait apporter une combinaison européenne? Sur quel type de points techniques de la combinaison on pourrait marquer des points là où les autres combinaisons ne font pas encore l'affaire ou n'ont pas, en tout cas, avancé techniquement? On pourrait, au niveau de la flexibilité, c'est une contrainte il va falloir augmenter la flexibilité des combinaisons pour aller sur la Lune ou sur Mars de manière à pouvoir, par exemple, s'agenouiller pour récupérer des échantillons ou travailler sur un certain nombre d'équipements. Il y a des systèmes aussi de visualisation de paramètres un peu de style viseur tête haute qu'on pourrait intégrer dans ce scaphandre, et on est à la pointe de la technologie en Europe dans ce domaine. Et puis on a parlé de l'impression 3D tout à l'heure, c'est des concepts qu'il va falloir développer et sur lesquels il faut continuer à travailler, parce que les combinaisons qui sont utilisées sur Mars ou sur la Lune, et encore ce sera d'autant plus vrai sur Mars à cause de l'éloignement, devront être réparables sur place. Donc il faut que les astronautes aient la possibilité, sur leur base lunaire, dans leur module, d'avoir des éléments qu'on puisse imprimer en 3D et de manière à pouvoir les remplacer. Et on va y revenir dans un instant. Merci beaucoup Hervé Stévenin d'avoir été avec nous en direct depuis le Centre des astronautes européens à Cologne. On vous libère tout de suite et on va continuer à parler avec Peter Weiss et Bernard Comet de cette future combinaison et de tout ce qu'il faut faire pour la rendre opérationnelle et réelle. La méthode scientifique, Nicolas Martin. And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you when our love was new. And each kiss an inspiration, but that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song beside a garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale, a paradise where roses bloom, though I dream in vain. In my heart, it will remain my stardust melody, the memory of love's refrain. Mais oui, on laisse les dernières notes de Stardust de Nat King Cole résonner sur l'antenne de France Culture à bientôt 16h40, puisque nous parlons de combinaisons spatiales tout au long de cette heure en compagnie ici à Paris de Peter Weiss, qui est chef du département espace à la COMEX, et en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu à Toulouse, avec Bernard Comet, qui est médecin et président du Medical Board de l'Agence Spatiale Européenne. Alors, on l'évoquait à l'instant avec Hervé Stévenin, l'impression 3D est importante dans la conception, dans la pensée d'une combinaison long cours, surtout pour un voyage pour Mars qui pourrait durer assez longtemps. Or, eh bien ici, en France, des élèves de Polytechnique ont conçu, grâce à l'impression 3D, ce qui pourrait être la prochaine combinaison spatiale française ou européenne pour Mars. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes allez vous prendre pour Thomas Pesquet quelques instants. J'aimerais beaucoup m'allonger sur le sol de la Lune et regarder la Terre. Enfin bon, ça c'est pour plus tard. En tout cas, j'ai rencontré Thibaut Paris, qui est en dernière année à Polytechnique et qui a conçu avec 6 autres élèves de l'école cette combinaison destinée à Mars. Taillée sur mesure pour Thibaut Paris, pressurisée, la combinaison spatiale a été entièrement imprimée en 3D. Et cerise sur le gâteau, elle a pu être testée en conditions presque martiennes dans le désert de l'Utah aux États-Unis. C'était en décembre dernier, dans le cadre d'un projet de recherche de la Mars Society. Thibaut Paris nous raconte donc l'histoire de cette combinaison et comment elle a réagi à cette mise à l'épreuve du désert rocailleux. Alors la première condition importante qu'on doit remplir quand on va sur Mars, c'est qu'il faut être pressurisé. Parce qu'il n'y a quasiment pas d'atmosphère sur Mars, on est à 6 millibars en moyenne, et donc il est nécessaire d'avoir cette enveloppe pour protéger le corps du quasi-vide spatial. Ensuite, l'atmosphère martienne, elle est essentiellement faite de CO2, 98% de CO2, donc il n'y a quasiment pas d'oxygène, il faut apporter de l'oxygène, donc on a besoin d'avoir cette enveloppe fermée. Et après, il y a des contraintes par rapport au milieu lui-même. Le sol est recouvert de poussières qui sont très abrasives parce qu'il y a peu d'érosion. Donc il faut faire en sorte de ne pas être coupé, de ne pas être irrité par toutes ces poussières. Et comme il y a peu d'atmosphère, il y a également pas mal de rayonnement, donc il faut aussi s'en protéger. Alors, comment elle est conçue, cette combinaison-là? On l'a devant les yeux, elle est un petit peu en morceaux. Je crois qu'elle a été imprimée en 3D, expliquez-moi. Absolument. Ça. Alors, tout l'intérieur de la combinaison, toutes les parties dures de la combinaison, elles sont imprimées en 3D. Donc avec des imprimantes 3D qu'on a assemblées nous-mêmes. L'intérêt de technologie, c'est que ça permet d'imprimer des combinaisons sur place, de faire des pièces de rechange facilement et même éventuellement de recycler les éléments. Dans le sens où si une combinaison se casse, bah, c'est pas grave, on fait fondre le plastique, on refait du filament et on réimprime une nouvelle combinaison. Est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu les éléments qui la composent, cette combinaison? Là, il y a des bottes, il y a des gants, il y a le buste, la partie haute. Expliquez-moi un peu tout ça. Alors, la partie haute de la combinaison, voilà, c'est le torse rigide, donc c'est vraiment l'élément central. Vous avez une visière qui vient se placer devant le visage, un certain nombre d'éléments à l'intérieur, donc de la ventilation, un système de refroidissement, une bouteille d'oxygène pour apporter de l'air. Vous avez des bottes et des gants qui sont également étanches. Ils sont faits à partir d'une ancienne combinaison de sûreté nucléaire. Donc comme ça on est sûr d'avoir une très très bonne étanchéité. Et puis vous avez tout un système électronique qui est contrôlé sur le gant gauche. Donc c'est comme sur une manette de PlayStation, il y a un petit joystick et on peut naviguer dans les menus pour demander à avoir plus chaud, moins chaud, vérifier la température, etc. Ça, c'est assez impressionnant ce qu'il y a dans les gants parce qu'on voit pas mal d'électronique, pas mal de fils qui sortent des gants et tout ça est relié à un ordinateur de bord, on peut dire comme ça ou... Oui, c'est ça. Donc on a une grosse carte Arduino à l'intérieur, donc c'est un petit ordinateur et on a rentré nos programmes pour dire à la combinaison de gérer la température de cette manière ou la circulation de liquide rafraîchissant de cette manière. Comment est-ce que vous vous équipez de cette combinaison et combien de temps ça vous prend? Alors, une des innovations de la combinaison, c'est qu'elle s'ouvre par l'arrière. Donc, toute la partie arrière de la combinaison s'ouvre comme une porte. Donc, c'est quelque chose qui était déjà fait avant sur les combinaisons comme les Sokol russes. Et donc, nous, on a choisi de l'utiliser ici. Et l'avantage de cette technique, c'est qu'après, on rentre par l'arrière. Un camarade ferme la porte et c'est bon, on est prêt à partir. Les combinaisons, par exemple, qu'on a dans l'ISS, il y en a beaucoup qui sont d'abord un pantalon qu'on met, puis ensuite on se glisse comme on peut dans le haut et après on scelle les deux parties ensemble. Et combien de temps ça vous prend pour être équipé complètement? Pour être équipé, il faut compter une quinzaine de minutes, ce qui est assez rapide pour une combinaison. Bon, je vais pas vous faire enfiler cette combinaison, mais je voudrais savoir un petit peu comment vous vous déplacez avec et est-ce que c'est facile de se déplacer avec? Alors c'est relativement facile de se déplacer avec parce qu'elle est sur mesure. Donc quand je suis à l'intérieur, je peux très facilement marcher, monter des pentes, m'agenouiller, ramasser des échantillons, etc. La difficulté elle vient de la masse. La combinaison pèse à vide une quarantaine de kilos. Avec tous les éléments comme la bouteille, le liquide réfrigérant, on est plutôt à 50-55 kilos. Et donc comme ici c'est la gravité terrestre, c'est très très vite lourd. La combi, elle a été vraiment conçue pour Mars, et sur Mars, comme la gravité est moindre, elle pèserait plutôt, on aurait une sensation d'une vingtaine de kilos. Quels sont les éléments d'électronique qui sont intégrés dans la combi? Alors, vous avez une carte Arduino, ça c'est la pièce centrale. Cette carte Arduino, elle est reliée à une carte électronique qui produit un courant de bonne qualité, et cette carte électronique est elle-même reliée à une batterie. Donc l'idée c'est que la charge de la batterie diminue dans le temps, mais grâce à cette carte électronique on a une tension qui est bien constante. Et sur cette carte Arduino, donc il y a une partie capteur de température, capteur de pression, capteur GPS pour savoir où on est, et une partie contrôle, donc vous avez un joystick qui permet de naviguer dans des menus pour choisir les options, un petit écran LCD pour visualiser toutes ces informations, et un gros bouton d'urgence qui est placé sur le gant et qui permet de tout couper en cas de besoin. Vous avez participé à une expédition, une mission dans le désert de l'Utah aux États-Unis. La mission s'appelait Mars Desert Research Station. Qu'est-ce que c'est que cette mission? Et expliquez-moi un petit peu comment vous y avez participé, qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Alors, les missions MDRS, ce sont des missions de simulation martienne qui sont organisées par la Mars Society américaine et qui ont lieu dans le désert de l'Utah. Il y a dans le désert de l'Utah un environnement qui est très proche de l'environnement martien. Donc c'est tout rouge. Géologiquement, on est vraiment sur des choses similaires, donc c'est très intéressant. Et la Mars Society a installé une petite base de simulation là. Donc vous avez un petit habitat avec un atelier, une serre et un petit observatoire. Et les équipages y vont pour 2 ou 3 semaines. Donc il y a plusieurs équipages qui se relaient chaque année. Et on simule des missions martiennes là-bas. Donc quand on sort, on a une combinaison de simulation et des temps de compression, décompression. On ne va pas à l'air libre, hein, on reste bien à l'intérieur, etc. Et vraiment, on simule tout comme si on était sur Mars. Et votre combinaison, elle a bien passé ce baptême du feu ? Alors pour la combinaison, absolument, c'était le baptême du feu. Globalement, elle s'en est bien tirée. On a eu juste 1 ou 2 soucis mécaniques sur une pièce qui était pas bien ajustée, qui donc ne tenait pas bien. Et ça, on a réussi à le corriger sur la fin. Mais globalement, oui, ça s'est bien passé. On a réussi à faire toutes les marches qu'on voulait, les prélèvements qu'on voulait, et même à piloter des quads avec la combinaison. Donc ça montre qu'on avait atteint une bonne maîtrise de l'outil. Et si vous deviez retenir une chose, un souvenir, qu'est-ce qui vous a marqué quand vous étiez là-bas et quelles sensations vous aviez quand vous étiez dans votre combinaison, dans des conditions presque martiennes ? Une sensation vraiment géniale, c'est ça s'est passé au 6e jour, il s'est mis à neiger. Donc on a eu une journée, on était sous la neige. Et donc quand on est sorti, on a quand même fait une petite sortie ce jour-là et on était un peu dans le blizzard, complètement coupé du monde. On voyait pas grand-chose et on se sentait vraiment sur une autre planète. On se sentait comme dans Interstellar quand il découvre cette planète enneigée, tout seul, isolé, c'était vraiment génial. Et les prochaines étapes du coup pour cette combinaison-là ? Là, le travail pour l'instant, c'est de passer la combinaison. Donc on réunit toute la documentation qu'on a pour la transmettre à une promotion suivante. Et on réunit également tous les documents numériques qu'on a parce qu'on va les mettre en open source sur Internet pour que d'autres personnes puissent se lancer dans la fabrication de cette combinaison. Et voilà peut-être un visage qui sait de la future combinaison martienne open source. C'est un beau projet, Peter Weiss. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, ça c'est très bien. Et pour revenir un peu sur la question précédente, il faut se rendre compte que aujourd'hui on n'a pas de combinaison pour retourner sur la Lune ni aller sur Mars. La technologie nous manque. On ne peut pas prendre des combinaisons Apollo par exemple. Elles sont plus du tout à jour aujourd'hui. On peut pas ressortir les vieilles A7L pour retourner sur la Lune. Oui, en fait, on se rend compte. Quand les astronautes ils sont retournés sur Terre, qu'en fait, quelque part, ils ont eu énormément de chance parce qu'en fait, la combinaison était déjà pas mal abîmée par rapport à la poussière. Et en fait, si on pense pour les futures missions où on veut, j'espère pas y aller pour simplement planter un drapeau, mais rester. Tous ces aspects comme maintenance et robustesse, comme disait Hervé tout à l'heure, sont extrêmement importantes. Et ça, il faut travailler dessus. Aujourd'hui, il n'y a aucun système qui existe. Les Américains, ils travaillent sur sur toutes sortes de nouvelles combinaisons. La NASA a présenté fin 2015 un prototype, un Z2. Oui. Qui est le prototype pour le moment dont on ne sait pas grand-chose, mais en tout cas, elle a posté quelques photos. Avant, c'était le 7-1, ouais. Bien évidemment. Et maintenant, il y a un nouveau système qui s'appelle, je crois, XEMU. Donc, c'est un développement depuis quelques années. Oui, ça coûte de l'argent, mais bon, je pense que c'est important. Et encore une fois, l'Europe peut jouer un rôle assez important dans l'avenir de l'exploration spatiale. Bernard Comet, votre réaction à cette combinaison open source qui pourrait être le point de départ, pourquoi pas, d'un projet industriel qui serait récupéré ou accompagné par l'ESA? C'est une réaction très favorable. Vous savez qu'à l'heure actuelle, tout ce qu'on fait pour l'espace est très cher et toute solution qui permet d'atteindre le produit avec le même niveau de qualité, la même fiabilité et à moindre coût est toujours bienvenue. Hein. Vous savez, lorsqu'on parle des missions martiennes, c'est des temps de développement de plusieurs décennies avec une exploitation sur 2 décennies environ, on atteint plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc, toute économie et toute bonne idée qui viendra diminuer tous ces coûts rendra certainement l'opération possible. car en fait, je pense que ce seront les États qui se lanceront là-dedans. Et à l'heure actuelle, les coûts qui sont estimés à l'heure actuelle sont beaucoup trop élevés pour qu'un homme politique se lance pour une affaire qui va s'étaler sur près de 40 ans. Et voilà, et là il y a quelqu'un comme Elon Musk qui arrive avec SpaceX et qui amène un peu une révolution, et ça peut être vu de différents œils, mais en tout cas moi je trouve que c'est extrêmement intéressant, et c'est un cas à apprendre quelque chose aussi en Europe. Pourquoi en Europe on n'a pas ce genre d'initiative? Alors SpaceX a présenté un modèle de combinaison, mais pas pour Mars pour le moment, plutôt des combinaisons de VA. Vous pensez aussi, Bernard Comet, que à force que les agences spatiales nationales ou internationales ne s'en saisissent pas, c'est un champ de recherche, d'exploration qui va tomber dans le secteur privé? Oui, c'est l'évolution. Hein. En tous les cas, avec Falcon Heavy là qui a décollé il y a quelques jours, Elon Musk est en train de casser les prix du lancement, hein, qui était un marché bien protégé, etc. Pour vous donner un ordre de grandeur, on lançait à 10 000 dollars le kilo et lui il propose à 1 400 dollars le kilo. On a fait une émission complète là-dessus. On va vous renvoyer sur le fil Twitter de l'émission vers l'émission que nous avions consacrée précisément à SpaceX. Mais c'est quoi? On a entendu quelques éléments intéressants dans le reportage. Tout à l'heure, Hervé Stevenin nous donnait quelques pistes. Qu'est-ce qu'on pourrait, de quelle façon on pourrait améliorer aujourd'hui? Alors, on a entendu l'impression 3D. Hervé Stevenin nous parlait de visualisation tête haute. Ça veut dire, on l'imagine, comme on a pu le voir dans certains films, de l'impression directement dans le casque, et plus de la lecture aujourd'hui sur le torse, comme c'est le cas sur les IMU, ou sur le poignet, comme on vient de l'entendre dans le reportage. Quelles sont vraiment les améliorations technologiques que l'on pourrait apporter? On pense aussi à la protection contre les radiations, hein, pour un voyage sur Mars. Peter Weiss. Un point à quel je pense avant, c'est la robotique. Souvent on dit oui, c'est l'astronaute contre le robot. C'est pas vrai. En fait, c'est une coopération qui va venir. C'est certes, les futures missions sur la Lune ou sur Mars, ils vont se faire ensemble avec des robots en coopération. Et justement, il faut ce qui a été mentionné dans le reportage et sur quoi on a aussi un peu travaillé, c'est comment contrôler un robot accompagnateur à distance, ou avec l'astronaute à côté. Parce que c'est un peu dommage d'avoir un joystick ou quelque chose devant soi. Donc ça peut être fait par des gestes, par le bras, par la main, comme dans le reportage. Donc des interfaces en machine, si vous voulez. Ça c'est quelque chose qu'on peut vraiment ajouter là-dedans. Et ça peut aller même plus loin, parce qu'il y a aussi des concepts exosquelettes. Parce que quand on parle de Mars, il faut s'imaginer, pour aller sur Mars, il faut plusieurs mois. Donc vous avez déjà vu des astronautes, quand ils arrivent après plusieurs mois sur l'ISS, quand ils arrivent sur Terre. Bon, la gravité n'est pas la même, mais quand même, je suis pas sûr qu'il va sortir de son vaisseau et commencer à marcher. Donc, et là, on pourrait également imaginer d'avoir des sortes de muscles artificiels qui l'aident un peu. Qui pourraient compenser la pesanteur de longue durée d'une sorte de surcombinaison ou d'exosquelette intégré à la combinaison spatiale. Bernard Comet, ça fait partie des pistes qui semblent intéressantes pour compenser les effets de l'impesanteur au long cours et d'un voyage qui pourrait durer plusieurs mois. Oui, c'est le domaine qu'on appelle les contre-mesures, hein, donc les mesures de prévention. Il y a eu des projets d'exosquelettes en Europe, il y en a eu aux États-Unis aussi, où pour éviter que la perte osseuse et la perte musculaire soient trop importantes et que quand ils arrivent de nouveau en situation de gravité, ils soient tout de suite opérationnels, on pense effectivement ce qu'on appelle dans notre jargon des contre-mesures intégrées, qui leur permettrait de quasiment ne plus rien perdre. Il y a des progrès qui sont faits en ce moment à bord de la station internationale sur les systèmes de contre-mesures intégrés. Comme par exemple ? Ben à l'heure actuelle, ils ont monté à bord un appareil qui s'appelle le ARED, ça veut dire Advanced Resistive Exercise Device, et on s'est rendu compte que pour le muscle, ça a bien amélioré la situation, mais enfin il reste encore des pertes musculaires et des pertes de capacité à l'effort. Et côté os, par contre, de façon un peu surprenante, ils sont arrivés, quand on le combine avec des bifosphonates, qui sont des médicaments que l'on prend dans le cadre de l'ostéoporose, On arrive à le contrôler et on a eu même quelques astronautes qui sont revenus avec une meilleure minéralisation qu'avant leur départ. Donc sans perte osseuse, qui est l'un des problèmes majeurs. Donc vous voyez, il y a des progrès qui sont faits à l'heure actuelle et il y a pas mal d'expériences qui sont menées autour de ces thèmes, hein, la perte osseuse et la perte musculaire et la perte de capacité à l'effort. Je pense de toute façon que dans une mission martienne, l'équipage atterrira, il ne va pas sortir instantanément dehors. Hein. On attendra qu'il se stabilise un peu et qu'il s'habitue à la nouvelle gravité. On prendra le temps de la sécurité. Voilà. Il y a deux choses aussi peut-être pour conclure. Hein. D'une part, on parle aussi de pistes pour maintenir une pression intérieure sans injection de gaz, donc avec du coup moins de problèmes justement liés à la différence de pression. Et puis aussi, la question qui se pose, c'est celle de la protection contre les radiations, puisqu'on sera sorti du champ de protection de la magnétosphère terrestre. Et donc, est-ce que cette protection contre les radiations, il faut l'intégrer dans le vaisseau ou dans la combinaison? On a des pistes là-dessus, Peter Weiss? Je pense que ça va être plutôt dans le vaisseau lui-même ou sur la station en surface de la Lune. Parce que ça, c'est un gros problème, effectivement, et il n'y a pas forcément des solutions par rapport à ça. Donc, je ne crois pas que ça serait intégré dans les scaphandres. Parce que ça pèserait trop lourd. Oui, ce serait des problèmes de points insolubles, Bernard Comet. Oui, depuis que on a les mesures qui ont été faites sur Curiosity, hein, vous savez, sur Curiosity, une expérience qui s'appelle RAD, où on a pu mesurer les débits de radiation durant le transfert et maintenant on les mesure à la surface de Mars, on a une bonne idée. On attend environ entre 50 et 60 rem par an. Ce qui est beaucoup plus qu'à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, à bord de la station, ils reçoivent une vingtaine de REM par an. Alors, ce qu'on sait aussi, le niveau plutôt modéré était plutôt une bonne nouvelle, mais par contre, on a eu une mauvaise nouvelle, c'est qu'on croyait que les éruptions solaires allaient jouer un rôle majeur. Et enfin, on se rend compte qu'il y a eu plusieurs éruptions solaires durant le transfert, et c'est pas elles qui ont contribué vraiment à la dose totale, c'est le fond galactique, cosmique galactique. Et celui-là, il est très difficile à protéger parce que c'est un spectre de particules ionisantes avec des énergies très élevées. Et Peter a raison, c'est pas sur les scaphandres qu'on pourra mettre suffisamment de blindage, hein, puisqu'on parle de blindage. Ce sera au niveau de l'habitat et surtout du véhicule spatial qu'on mettra des blindages de protection. Mais je pense que les opérations extra-habitat à la surface des planètes, les astronautes recevront certainement plus de radiation que s'ils étaient restés dans l'habitat. Et je vous renvoie également à l'émission que nous avions consacrée aussi aux impacts de ces rayons intergalactiques à haute énergie sur le cerveau. On avait consacré une émission là-dessus et c'était des expériences qui étaient là aussi pas très rassurantes quant à la proximité d'un futur voyage sur Mars. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci Peter Weiss, merci à Bernard Comet d'avoir accepté notre invitation, Hervé Stévenin aussi. Merci aux camarades de France Bleu à Toulouse et puis merci à toute la chouette équipe de la méthode scientifique. Céline Lozen, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Nominé Guetzin, Vulfran, Sarah Ijmans, Elisabeth Miro. À la réalisation, Clément Daté à la technique. Dans un instant, deuxième épisode du Sexe comme objet, savoir et sexualité dans la série documentaire de Delphine Saltel et Vincent Deck. Dans le grain à moudre à 18h20, les bourses menacent-elles la reprise? Et pour ce qui nous concerne, demain nous parlerons de la façon dont nos nouveaux usages numériques, la multiplication des écrans, les réseaux sociaux, la connexion permanente et l'omniprésence de nos téléphones modifient notre cerveau. Il sera question d'addiction numérique demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.